Le Grand Mône, deuxième partie. Chapitre 10, la lessive. Nous avions escompté trop tôt la venue du printemps. Le lundi soir, nous voulûmes faire nos devoirs aussitôt après 4 heures, comme en plein été. Et pour y voir plus clair, nous sortîmes 2 grandes tables dans la cour. Mais le temps s'assombrit tout de suite. Une goutte de pluie tomba sur un cahier. Nous rentrâmes en hâte. Et de la grande salle obscurcie, par les larges fenêtres, nous regardions silencieusement dans le ciel gris la déroute des nuages. Alors Mône, qui regardait comme nous la main sur une poignée de croisée, ne put s'empêcher de dire, comme s'il eût été fâché de sentir monter en lui tant de regrets. Ah, il filait autrement que cela les nuages lorsque j'étais sur la route, dans la voiture de la belle étoile. Sur quelle route ? Demanda Jasmin. Mais Mône ne répondit pas. Moi, dis-je pour faire diversion, j'aurais aimé voyager comme cela en voiture, par la pluie battante, abrité sous un grand parapluie. Et lire tout le long du chemin comme dans une maison, ajouta un autre. Et il ne pleuvait pas, et je n'avais pas envie de lire, répondit Mône. Je ne pensais qu'à regarder le pays. Mais lorsque Giroda, à son tour, demanda de quel pays il s'agissait, Mône, de nouveau, resta muet. Et Jasmin dit, « Je sais, toujours la fameuse aventure !» Il avait dit ces mots d'un ton conciliant et important, comme s'il eût été lui-même un peu dans le secret. Ce fut peine perdue. Ses avances lui restèrent pour compte. Et comme la nuit tombait, chacun s'en fut au galop, la blouse relevée sur la tête, sous la froide averse. Jusqu'au jeudi suivant, le temps resta à la pluie. Et ce jeudi-là fut plus triste encore que le précédent. Toute la campagne était baignée dans une sorte de brume glacée, comme au plus mauvais jour de l'hiver. Milly, trompée par le beau soleil de l'autre semaine, avait fait faire la lessive, mais il ne fallait pas songer à mettre sécher le linge sur les haies du jardin, ni même sur des cordes dans le grenier, tant l'air était humide et froid. En discutant avec M. Sorel, il lui vint l'idée d'étendre sa lessive dans les classes, puisque c'était jeudi, et de chauffer le poêle à blanc. Pour économiser les feux de la cuisine et de la salle à manger, on ferait cuire les repas sur le poêle et nous nous tiendrions toute la journée dans la grande salle du cours. Au premier instant, j'étais si jeune encore, je considérais cette nouveauté comme une fête. Morne fête! Toute la chaleur du poêle était prise par la lessive et il faisait grand froid. Dans la cour tombait interminablement et mollement une petite pluie d'hiver. C'est là pourtant que dès 9 heures du matin, dévoré d'ennui, je retrouvai le Grand Mône. Par les barreaux du grand portail, où nous regardâmes au haut du bourg sur les 4 routes, le cortège d'un enterrement venu du fond de la campagne. Le cercueil, amené dans une charrette à bœufs, était déchargé et posé sur une dalle, au pied de la grande croix où le boucher avait aperçu naguère les sentinelles du bohémien. Où était-il maintenant le jeune capitaine qui si bien menait l'abordage? Le curé et les chantres vinrent, comme c'était l'usage, au-devant du cercueil posé là, et les tristes chants arrivaient jusqu'à nous. Ce serait là, nous le savions, le seul spectacle de la journée, qui s'écoulerait tout entière comme une eau jaunie dans un caniveau. « Et maintenant, dit Mône soudain, je vais préparer mon bagage. Apprends-le, Sorel. J'ai écrit à ma mère jeudi dernier pour lui demander de finir mes études à Paris. C'est aujourd'hui que je pars. » Il continuait à regarder vers le bourg, les mains appuyées aux barreaux, à la hauteur de sa tête. Inutile de demander si sa mère, qui était riche et lui passait toutes ses volontés, lui avait passé celle-là. Inutile aussi de demander pourquoi, soudainement, il désirait s'en aller à Paris. Mais il y avait en lui, certainement, le regret et la crainte de quitter ce cher pays de Sainte-Agathe, d'où il était parti pour son aventure. Quant à moi, je sentais monter une désolation violente que je n'avais pas sentie d'abord. Pâques approche, dit-il pour m'expliquer avec un soupir. Dès que tu l'auras trouvé là-bas, tu m'écriras, n'est-ce pas? Demandai-je. C'est promis, bien sûr. N'es-tu pas mon compagnon et mon frère? Et il me posa la main sur l'épaule. Peu à peu, je comprenais que c'était bien fini, puisqu'il voulait terminer ses études à Paris. Jamais plus je n'aurais avec moi mon grand camarade. Il n'y avait d'espoir pour nous réunir qu'en cette maison de Paris, où devait se retrouver la trace de l'aventure perdue. Mais de voir Mône lui-même si triste, quel pauvre espoir c'était là pour moi. Mes parents furent avertis. Monsieur Sorel se montra très étonné, mais se rendit bien vite aux raisons d'Augustin. Milly, femme d'intérieur, se désola surtout à la pensée que la mère de Mône verrait notre maison dans un désordre inaccoutumé. La malle, hélas, fut bientôt faite. Nous cherchâmes sous l'escalier ses souliers des dimanches, dans l'armoire un peu de linge, puis ses papiers et ses livres d'école. Tout ce qu'un jeune homme de 18 ans possède au monde. À midi, Madame Mône arrivait avec sa voiture. Elle déjeuna au café Daniel en compagnie d'Augustin et l'emmena, sans donner presque aucune explication, dès que le cheval fut affené et attelé. Sur le seuil, nous leur dîmes au revoir, et la voiture disparut au tournant des quatre routes. Milly frotta ses souliers devant la porte et rentra dans la froide salle à manger, remettre en ordre ce qui avait été dérangé. Quant à moi, je me trouvais, pour la première fois depuis de longs mois, seule, en face d'une longue soirée de jeudi, avec l'impression que, dans cette vieille voiture, mon adolescence venait de s'en aller pour toujours. Chapitre 11. Je trahis. Que faire? Le temps s'élevait un peu, on eût dit que le soleil allait se montrer. Une porte claquait dans la grande maison, puis le silence retombait. De temps à autre, mon père traversait la cour pour remplir un seau de charbon dont il bourrait le poêle. J'apercevais les linges blancs pendus aux cordes et je n'avais aucune envie de rentrer dans le triste endroit transformé en séchoir, pour m'y trouver en tête-à-tête avec l'examen de la fin de l'année, ce concours de l'école normale qui devait être désormais ma seule préoccupation. Chose étrange, à cet ennui qui me désolait, se mêlait comme une sensation de liberté. Mône parti, toute cette aventure terminée et manquée, il me semblait du moins que j'étais libérée de cet étrange souci, de cette occupation mystérieuse qui ne me permettait plus d'agir comme tout le monde. Mône parti, je n'étais plus son compagnon d'aventure, le frère de ce chasseur de pistes. Je redevenais un gamin du bourg pareil aux autres. Et cela était facile, et je n'avais qu'à suivre pour cela mon inclination la plus naturelle. Le cadet des rois passa dans la rue Boueuse, faisant tourner au bout d'une ficelle, puis lâchant en l'air trois marrons attachés qui retombèrent dans la cour. Mon désœuvrement était si grand que je pris plaisir à lui relancer deux ou trois fois ses marrons de l'autre côté du mur. Soudain, je le vis abandonner ce jeu puéril pour courir vers un tombereau qui venait par le chemin de la vieille planche. Il eut vite fait de grimper par derrière, sans même que la voiture s'arrêtât. Je reconnaissais le petit tombereau de Delouche et son cheval. Jasmin conduisait. Le gros Boujardon était debout. Il revenait du pré. « Viens avec nous, François !» cria Jasmin, qui devait savoir déjà que Mône était parti. Ma foi, sans avertir personne, j'escaladai la voiture cahotante et me tins comme les autres, debout, appuyé contre un des montants du tombereau. Il nous conduisit chez la veuve de Louche. Nous sommes maintenant dans l'arrière-boutique, chez la bonne femme qui est en même temps épicière et aubergiste. Un rayon de soleil glisse à travers la fenêtre basse sur les boîtes en fer blanc et sur les tonneaux de vinaigre. Le gros Boujardon s'assoit sur l'appui de la fenêtre et, tourné vers nous, avec un gros rire d'homme pâteux, il mange des biscuits à la cuillère. À la portée de la main, sur un tonneau, la boîte est ouverte et entamée. Le petit roi pousse des cris de plaisir. Une sorte d'intimité, de mauvais aloi, s'est établie entre nous. Jasmin et Boujardon seront maintenant mes camarades, je le vois. Le cours de ma vie a changé tout d'un coup. Il me semble que Moon est parti depuis très longtemps et que son aventure est une vieille histoire, triste, mais finie. Le petit roi a déniché sous une planche une bouteille de liqueur entamée. Delouche nous offre à chacun la goutte, mais il n'y a qu'un verre et nous buvons tous dans le même. On me sert le premier, avec un peu de condescendance, comme si je n'étais pas habituée à ces mœurs de chasseurs et de paysans. Cela me gêne un peu. Et comme on en vient à parler de Mône, l'envie me prend, pour dissiper cette gêne et retrouver mon aplomb, de montrer que je connais son histoire et de la raconter un peu. En quoi cela pourrait-il lui nuire, puisque tout est fini maintenant de ses aventures ici? Est-ce que je raconte mal cette histoire? Elle ne produit pas l'effet que j'attendais. Mes compagnons, en bons villageois que rien n'étonne, ne sont pas surpris pour si peu. « C'était une noce, quoi !» dit Boujardon. Delouche en a vu une à Brèverange, qui était plus curieuse encore. « Le château ? On trouverait certainement des gens du pays qui en ont entendu parler. La jeune fille ? Mône se mariera avec elle quand il aura fait son année de service. « Il aurait dû, ajoute l'un d'eux, nous en parler et nous montrer son plan au lieu de confier cela à un bohémien. » Empêtré dans mon insuccès, je veux profiter de l'occasion pour exciter leur curiosité. Je me décide à expliquer qui était ce bohémien, d'où il venait, son étrange destinée. Boujardon et Delouche ne veulent rien entendre. C'est celui-là qui a tout fait. C'est lui qui a rendu Mône insociable. Mône, qui était un si brave camarade. C'est lui qui a organisé toutes ces sottises d'abordage et d'attaques nocturnes. Après nous avoir tous embrigadés comme un bataillon scolaire. Tu sais, dit Jasmin en regardant Boujardon et en secouant la tête à petits coups, j'ai rudement bien fait de le dénoncer aux gendarmes. En voilà un qui a fait du mal au pays et qui en aurait fait encore. Me voici presque de leur avis. Tout aurait sans doute autrement tourné si nous n'avions pas considéré l'affaire d'une façon si mystérieuse et si tragique. C'est l'influence de ce Franz qui a tout perdu. Mais soudain, tandis que je suis absorbée dans ces réflexions, il se fait du bruit dans la boutique. Jasmin Delouche cache rapidement son flacon de gouttes derrière un tonneau. Le gros Boujardon dégringole du haut de sa fenêtre, met le pied sur une bouteille vide et poussiéreuse qui roule et manque deux fois de s'étaler. Le petit roi les pousse par derrière, pour sortir plus vite, à demi suffoqué de rire. Sans bien comprendre ce qui se passe, je m'enfuis avec eux, Nous traversons la cour et nous grimpons par une échelle dans un grenier à foin. J'entends une voix de femme qui nous traite de propre à rien. Je n'aurais pas cru qu'elle serait rentrée si tôt, dit Jasmin tout bas. Je comprends maintenant seulement que nous étions là en fraude à voler des gâteaux et de la liqueur. Je suis déçue, comme ce naufragé qui croyait causer avec un homme et qui reconnaît soudain que c'était un singe. Je ne songe plus qu'à quitter ce grenier, tant ces aventures-là me déplaisent. D'ailleurs, la nuit tombe. On me fait passer par derrière, traverser deux jardins, contourner une mare. Je me retrouve dans la rue mouillée, boueuse, où se reflète la lueur du café Daniel. Je ne suis pas fière de ma soirée. Me voici aux quatre routes. Malgré moi, tout d'un coup, je revois, au tournant, un visage dur et fraternel qui me sourit, un dernier signe de la main, et la voiture disparaît. Un vent froid fait claquer ma blouse, pareil au vent de cet hiver qui était si tragique et si beau. Déjà, tout me paraît moins facile. Dans la grande classe où l'on m'attend pour dîner, de brusques courants d'air traversent la maigre tiédeur que répand le poêle. Je grelotte, tandis qu'on me reproche mon après-midi de vagabondage. Je n'ai pas même, pour rentrer dans la régulière vie passée, la consolation de prendre place à table et de retrouver mon siège habituel. On n'a pas mis la table ce soir-là. Chacun dîne sur ses genoux, où il peut, dans la salle de classe obscure. Je mange silencieusement la galette cuite sur le poêle, qui devait être la récompense de ce jeudi passé dans l'école, et qui a brûlé sur les cercles rougis. Le soir, tout seul dans ma chambre, je me couche bien vite pour étouffer le remords que je sens monter du fond de ma tristesse. Mais par deux fois je me suis éveillée au milieu de la nuit, croyant entendre, la première fois, le craquement du lit voisin, où Mône avait coutume de se retourner brusquement d'une seule pièce, et l'autre fois, son pas léger de chasseur aux aguets à travers les greniers du fond. Chapitre 12. Trois lettres de Mône. De toute ma vie, je n'ai reçu que trois lettres de Mône. Elles sont encore chez moi dans un tiroir de commode. Je retrouve, chaque fois que je les relis, la même tristesse que naguère. La première m'arriva dès le surlendemain de son départ. Mon cher François, aujourd'hui, dès mon arrivée à Paris, je suis allé devant la maison indiquée, je n'ai rien vu. Il n'y avait personne. Il n'y aura jamais personne. La maison que disait Franz est un petit hôtel à un étage. La chambre de Mademoiselle de Galais doit être au premier. Les fenêtres du haut sont les plus cachées par les arbres, mais en passant sur le trottoir, on les voit très bien. Tous les rideaux sont fermés, et il faudrait être fou pour espérer qu'un jour, entre ces rideaux tirés, le visage d'Yvonne de Galais puisse apparaître. C'est sur un boulevard, il pleuvait un peu dans les arbres déjà verts. On entendait les cloches claires des tramways qui passaient indéfiniment. Pendant près de 2 heures, je me suis promené de long en large sous les fenêtres. Il y a un marchand de vin chez qui je me suis arrêté pour boire de façon à n'être pas pris pour un bandit qui veut faire un mauvais coup. Puis j'ai repris ce guet sans espoir. La nuit est venue. Les fenêtres se sont allumées un peu partout, mais non pas dans cette maison. Il n'y a certainement personne, et pourtant pas qu'approche. Au moment où j'allais partir, une jeune fille, ou une jeune femme, je ne sais pas, est venue s'asseoir sur un des bancs mouillés de pluie. Elle était vêtue de noir avec une petite collerette blanche. Lorsque je suis parti, elle était encore là, immobile, malgré le froid du soir, à attendre je ne sais quoi, je ne sais qui. Tu vois que Paris est plein de fous comme moi. Augustin. Le temps passa. Vainement, j'attendis un mot d'Augustin le lundi de Pâques et durant tous les jours qui suivirent. Jour où il semble, tant ils sont calmes après la grande fièvre de Pâques, qu'il n'y ait plus qu'à attendre l'été. Juin ramena le temps des examens et une terrible chaleur, dont la buée suffocante planait sur le pays sans qu'un souffle de vent la vînt dissiper. La nuit n'apportait aucune fraîcheur, et par conséquent, aucun répit à ce supplice. Et c'est durant cet insupportable mois de juin que je reçus la deuxième lettre du grand Mône. Mon cher ami, cette fois tout espoir est perdu. Je le sais depuis hier soir. La douleur que je n'avais presque pas sentie tout de suite monte depuis ce temps. Tous les soirs, j'allais m'asseoir sur ce banc, guettant, réfléchissant, espérant malgré tout. Hier, après dîner, la nuit était noire et étouffante. Les gens causaient sur le trottoir, sous les arbres. Au-dessus des noirs feuillages, verdis par les lumières, les appartements des seconds, des troisièmes étages étaient éclairés. Ça, et là, une fenêtre que l'été avait ouverte toute grande. On voyait la lampe allumée sur la table, refoulant à peine autour d'elle la chaude obscurité de juin. On voyait presque jusqu'au fond de la pièce. Ah ! Si la fenêtre noire d'Yvonne de Galès était allumée aussi, j'aurais osé, je crois, monter l'escalier, frapper, entrer. La jeune fille de qui je t'ai parlé était là encore, attendant comme moi. Je pensais qu'elle devait connaître la maison, et je l'interrogeai. « Je sais, a-t-elle dit, qu'autrefois dans cette maison, une jeune fille et son frère venaient passer les vacances, mais j'ai appris que le frère avait fui le château de ses parents sans qu'on puisse jamais le retrouver, et la jeune fille s'est mariée. C'est ce qui vous explique que l'appartement soit fermé. » Je suis parti. Au bout de 10 pas, mes pieds butaient sur le trottoir, et je manquais de tomber. La nuit, c'était la nuit dernière, lorsqu'enfin les enfants et les femmes se sont tus dans les cours pour me laisser dormir. J'ai commencé d'entendre rouler les fiacres dans la rue. Ils ne passaient que de loin en loin. Mais quand l'un était passé, malgré moi, j'attendais l'autre, le grelot, les pas du cheval qui claquaient sur l'asphalte. Et cela répétait « C'est la ville déserte, ton amour perdu, la nuit interminable, l'été, la fièvre. Sorel, mon ami, je suis dans une grande détresse. Augustin. » Lettre de peu de confidence, quoi qu'il paraisse. Môn ne me disait ni pourquoi il était resté si longtemps silencieux, ni ce qu'il comptait faire maintenant. J'eus l'impression qu'il rompait avec moi, parce que son aventure était finie, comme il rompait avec son passé. J'eus beau lui écrire, en effet, je ne reçus plus de réponse. Un mot de félicitation seulement, lorsque j'obtins mon brevet simple. En septembre, je sus par un camarade d'école qu'il était venu en vacances chez sa mère à La Ferté-d'Angillon. Mais nous dûmes cette année-là, invités par mon oncle Florentin du Vieux-Nançay, passer chez lui les vacances. Et Môn repartit pour Paris, sans que j'eusse pu le voir. À la rentrée, exactement vers la fin de novembre, tandis que je m'étais remis avec une morne ardeur à préparer le brevet supérieur, dans l'espoir d'être nommé instituteur l'année suivante, sans passer par l'école normale de Bourges, je reçus la dernière des 3 lettres que j'ai jamais reçues d'Augustin. Je passe encore sous cette fenêtre. J'attends encore, sans le moindre espoir, par folie. À la fin de ces froids dimanches d'automne, au moment où il va faire nuit, je ne puis me décider à rentrer, à fermer les volets de ma chambre, sans être retourné là-bas, dans la rue, gelée. Je suis comme cette folle de Sainte-Agathe qui sortait à chaque minute sur le pas de la porte et regardait, la main sur les yeux, du côté de la gare pour voir si son fils, qui était mort, ne venait pas. Assis sur le banc, grelottant, misérable, je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je me retournerai. Ce serait elle. « Je me suis un peu attardée, » dirait-elle simplement. Et toute peine et toute démence s'évanouissent. Nous entrons dans notre maison. Ses fourrures sont toutes glacées, sa voilette mouillée. Elle apporte avec elle le goût de brume du dehors. Et tandis qu'elle s'approche du feu, je vois ses cheveux blonds givrés, son beau profil au dessin si doux, penché vers la flamme. Hélas ! La vitre reste blanchie par le rideau qui est derrière. Et la jeune fille du domaine perdu l'ouvrirait-elle, que je n'ai maintenant plus rien à lui dire. Notre aventure est finie. L'hiver de cette année est mort comme la tombe. Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clé, et la suite, et la fin de cette aventure manquée. Sorel, je te demandais l'autre jour de penser à moi. Maintenant, au contraire, il vaut mieux m'oublier. Il vaudrait mieux tout oublier. Augustin Maulne. Et ce fut un nouvel hiver, aussi mort que le précédent avait été vivant d'une mystérieuse vie. La place de l'église sans bohémien, la cour d'école que les gamins désertaient à 4 heures, la salle de classe où j'étais seule et sans goût. En février, pour la première fois de l'hiver, la neige tomba, ensevelissant définitivement notre roman d'aventure de l'an passé, brouillant toute piste, effaçant les dernières traces. Et je m'efforçais, comme Maune me l'avait demandé dans sa lettre, de tout oublier.